Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par Devenir Entrepreneur, une plateforme web qui vous présente les défis et bonheurs du métier d'entrepreneur. Découvrez des entrepreneurs ambitieux et leurs stratégies de croissance à l'échelle locale et internationale en visitant devenirentrepreneur.com. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le film culte Rocky Horror Picture Show. Quand ça faisait 2-3 fois qu'on voyait le film, si on pensait, si un gag venait dans la tête, on le criait et soit qu'on se faisait bombarder avec un tas de cochonneries par les gens à côté de nous, si c'était pas une bonne blague, ou les gens riaient, applaudissaient et il y avait une approbation qui était faite. Et quand ça arrivait, c'est qu'on retournait la semaine après pour entendre notre blague sortir d'une vingtaine de bouches en même temps. Et la semaine après, entendre notre blague sortir d'une centaine de bouches en même temps. Alors, il n'y avait pas deux représentations de Rocky Horror Picture Show qui étaient la même à cause de ça. Le cinéphile Stéphane Rivard à l'émission Nostalgie en octobre 1992, véritable phénomène dans l'histoire du cinéma, le film Rocky Horror Picture Show va vite devenir un film culte, pas tant pour ses qualités cinématographiques, mais plutôt grâce à l'engouement qu'il va créer auprès de son public, un public de fidèles qui va retourner voir le film à répétition et qui transformera les représentations du film en véritable spectacle. C'est en 1974, à Londres, que cette histoire a commencé. Pendant près d'un an, le Rocky Horror Show, une comédie musicale d'un genre assez spécial, a fait salle comble si bien qu'un producteur américain, qui avait fait entre autres choses le Monterey Pop Festival, a décidé de le porter à l'écran. Comme Kiss ou Alice Cooper, Rocky a son fan club, plusieurs centaines de milliers de jeunes qu'il connaissent par cœur, au point d'entrer dans la peau des inquiétants personnages de ce film. Antoine, combien de fois as-tu vu ce film-là? 11 fois. Pourquoi voir ce film-là si souvent? Je sais pas tellement, mais je pense que la première fois, on y va pour savoir qu'est-ce que c'est. On a entendu vaguement parler, tout ça. Puis la deuxième fois, c'est parce qu'on a eu du fun la première fois. Puis c'est pas tout le monde qui interprète le film pareil. C'est pas tout le monde qui voit les mêmes choses. Alors, on apprend toujours. Extrait d'un reportage de Georges Hébert Germain à l'émission L'Observateur en janvier 1981 pour nous raconter cette aventure assez incroyable, plutôt inusitée également, du film Rocky Horror Picture Show. Je reçois le critique de cinéma au journal Le Devoir, André Lavoie. André, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place, on verra dans un instant ce que c'est, ce que ça raconte, mais quelle place ça occupe d'abord? C'est vraiment un phénomène. Quelle place occupe ce film-là dans l'histoire du cinéma? Bien, c'est davantage un phénomène qu'un grand film, il faut le dire. J'appellerais ça une communion projection. C'est-à-dire que le spectacle, dans le fond, il est sur l'écran, mais avec les années, et ça n'a pas pris tellement de temps, le spectacle s'est transporté dans la salle et ça fait en sorte que depuis des décennies maintenant, il y a des milliers de gens à travers le monde, chaque soir encore, qui communiquent avec ce film-là, qui participent au film, qui l'invectivent, qui disent des insanités, mais qui communient à cette expérience-là qu'est le rock. Tout à fait. C'est probablement c'est un des rares films où la ferveur des admirateurs a fait en sorte que le film est devenu un objet de culte. Et ça, c'est sûr que des films cultes et des films importants et des films célébrés dans l'histoire du cinéma, il y en a eu beaucoup. Mais avec une telle audace, une telle ferveur, une telle frénésie et je dirais aussi une telle insolence, c'est assez exceptionnel. Oui. Alors, parlons-en de cet objet. Qu'est-ce que ça raconte? Décrivez-nous-le, cet ovni cinématographique. C'est drôle que vous parliez d'ovni parce qu'il y a des ovnis dans le film. Ouais. Et tout ça repose sur l'imagination assez débridée de Richard O'Brien, qui est un comédien au chômage au début des années 70 à Londres et qui écrit une comédie musicale qui s'appelle « The Rocky Horror Show ». Et cette comédie musicale, en fait, est un étalage de toutes ces fascinations qu'il a pour les bandes dessinées, les films de série B, les films de science-fiction, les films d'horreur, les films de vampires, les films, les nombreux films de Frankenstein qu'il a pu voir, et les séances de minuit aussi, où il assiste beaucoup à ce genre de projections-là. Et donc, il ramasse ça dans ce film-là pour une sorte d'hommage. Et tout est centré autour d'un scientifique travesti qui s'appelle le docteur Frankenfurter, qui est évidemment une référence directe au docteur Frankenstein. Et donc, tout tourne autour de ce personnage-là qui va créer non pas un monstre, mais un espèce d'Adonis qui est une sorte de croisement entre Flash Gordon et un danseur du club de 281. Et tout ça va amener une foule de personnages autour de ce nœud dramatique. Mais en fait, du début à la fin, ce sont qu'une enfilade de références à un cinéma et à une culture populaire dont Richard O'Brien s'est nourri. Il s'est nourri pour d'abord écrire cette comédie musicale et ensuite, ouais, quelques années plus tard, ça a été porté à l'écran. Et on suit un jeune couple qui se ramasse un peu, oui, par hasard dans la... C'est un château, enfin, dans la... Oui, c'est, ouais, un château et ça a été tourné dans un château qui a été utilisé des centaines de fois, entre autres par les studios Hammer, près de Londres, où on a tourné de nombreux films d'horreur. Et le château, à l'époque, au début des années 70, est déjà pas mal déglingué, mais il va servir pendant 6 semaines au tournage de ce film mythique. Tournage, d'ailleurs, parce que le film est tellement devenu mythique et culte que tout a été dit et écrit autour de Rocky Horror Picture Show. Susan Sarandon, entre autres, qui va, mm-hmm, se retrouver à tourner dans, mm-hmm, ce film-là, va s'en plaindre pour le restant de ses jours. En fait, elle va se plaindre, il faut faire une nuance, elle va se plaindre tout le temps du tournage pour une raison très simple, c'est que un, il fait très froid, les décors et les studios étant un petit peu défraîchi, il y a des problèmes d'humidité, il y a des problèmes d'infiltration d'eau, et ceux qui ont vu le film savent qu'elle passe à peu près la moitié du film en soutien-gorge. Oui. Et elle va même attraper une pneumonie. Donc, tout le long du film, plusieurs vont dire « elle s'est plainte », mais après, en entrevue, et Dieu sait qu'on l'a interviewé souvent à propos de ce film-là, elle n'a jamais regretté de faire partie de ce film. Donc, au départ, une pièce de théâtre produite, une comédie musicale en 73 à Londres, et puis un producteur américain qui décide de porter ça à l'écran. Comment va être reçu le film à sa sortie, André? Au départ, très mal, ça va être un flop. Mais il y a un jeune cadre du studio Century Fox qui croit en ce film et qui pense que le créneau des projections régulières, ce n'est pas le bon créneau pour ce film-là. Et à l'époque, on a déjà ce qu'on appelle les midnight screenings, et il croit que le film pourra avoir une seconde vie plus intéressante dans ce créneau-là. Et il va voir juste parce que dès qu'on va commencer à faire des projections nocturnes de ce film-là, particulièrement à New York, le film va curieusement intéresser un tout nouvel auditoire qui sera majoritairement composé de gays et de travestis et de marginaux de toutes sortes qui, eux, vont comprendre ce que j'appellerais le sous-texte du film, oui, c'est-à-dire le message de liberté, d'insolence. Dans une des chansons, on chante « Don't dream it, be it ». Oui. Et cet extrait-là, ça deviendra une sorte de mantra, et ça va devenir un mantra pour ce premier public qui va aussi comprendre que, dans le fond, c'est une pochade, que c'est pas sérieux, et ne se gênera pas pour commencer à participer, à construire un « happening », parfois pour ridiculiser les personnages, parfois pour prolonger certaines scènes sur le plan, par exemple, esthétique. Par exemple, la scène du mariage, il y a des gens qui vont porter du riz pour ajouter, ouais, à ce que les personnages jettent déjà sur les nouveaux mariés. Donc, donc, ça va créer une sorte de communauté, et je dirais même une sorte de communion, autour d'un film qui, au départ, d'abord, à peu près tous les critiques n'ont pas aimé, et avec, ouais, raison, parce que le film en soi est plutôt bancal, est plutôt maladroit, le montage est un peu lousse, et il faut bien le dire, les danseurs, qui, paraît-il, en concernant les figurants, étaient à peu près tous sous l'influence de plusieurs choses en même temps, ne sont pas de grands danseurs, et les chorégraphies ne sont pas si impressionnantes que ça. Mais quand même, donc, ça va se faire en vagues successives. Avant d'être le phénomène et le film culte que ça va devenir, il y a ce premier, ce que vous venez de nous décrire, New York, des projections autour de nuit, là, de Midnight Projections. Ça va commencer donc par une première vague de succès, un petit engouement d'initiés, vraiment, dans, oui, un petit milieu, qui vont déjà y retourner plusieurs fois à répétition. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de combiner à la fois le show de rock'n'roll, tu sais, et le film d'horreur. Tu sais. Deux endroits où, qui sont très spectaculaires, où on se dégrise, où on s'habille, où on charrie. Tu sais. Donc ça donne le Rocky Horror Show. Tu sais. Moi, je trouve en tout cas que le film, là, il est intéressant à cause du phénomène de participation, mais en côté valeur cinématographique, là, je veux dire, peut-être la première partie jusqu'à... Après la création de Rocky, là. Après ça, moi, je dis que c'est pas mal long puis que c'est plate. Vraiment, si c'était pas du phénomène de participation, j'aimerais pas ce film-là. À nouveau, un extrait du reportage de Georges Hébert-Germain à l'émission L'Observateur en janvier 1981. Donc, reprenons où on en était. Un petit buzz, passez-moi l'expression, dans ce milieu new-yorkais, au début, beaucoup d'homosexuels qui sont de voir le film. Mais c'est mauvais. On vient de l'entendre dans le reportage. Puis vous nous le disiez, la critique, c'est un bide, le film. C'est pas un bon film. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même cet engouement qu'on y retourne et on y retourne et on y retourne encore? Bien, c'est l'effet de masse, c'est l'effet de foule. C'est l'effet happening, c'est l'énergie que la salle procure devant un film comme celui-là, qui est quand même, il faut le dire, assez impertinent, parfois très drôle. Puis on l'a entendu un peu brièvement, les chansons sont très entraînantes. Oui. Il y a plusieurs chansons que c'est vraiment des vers d'oreille, on tape du pied, elles sont pleines d'enthousiasme, pleines d'insolence, pleines d'énergie. Donc ça musique contribue. Musique qui plaît aux jeunes. C'est totalement. Des jeunes qui vont voir ce film. C'est des jeunes qui vont voir ce film. Et lorsque, en fait, il y a un bascule dans l'engouement. C'est qu'après le premier phénomène un petit peu underground, où d'ailleurs il y aura des batailles entre les homophobes et les spectateurs, parce qu'on va clairement identifier au départ ce film-là à la communauté gay, mais ça va rapidement prendre de l'ampleur. Mais ça va prendre de l'ampleur grâce aux grands médias américains qui vont s'intéresser au phénomène. Et à partir de ce moment-là, ça va déborder un cadre purement underground, oui. Et ça va devenir un phénomène de jeunesse. Et alors là, il y aura beaucoup d'étudiants dans les campus universitaires, beaucoup de jeunes des classes moyennes qui vont venir voir ce film-là, et le film va devenir en quelque sorte une sorte de rituel de passage. Oui. Où là, parce qu'on parle de sexualité, on voit un petit couple qui débarque dans cet univers-là, dans ce château-là, où, il y a des travestis, il y a des créatures venues d'un autre monde, et ce sont tous des gens qui respirent une très, très grande liberté. Donc, le film parle de ça. Et les jeunes, évidemment, vont beaucoup s'identifier à ce message-là. Donc, les jeunes des classes moyennes vont aller voir ce film-là et ça va faire partie d'une démarche, dans le fond, d'identification et de dire bien, qu'on a vu ce spectacle, on a vu ce film-là, on y participe, on connaît les codes et ça fait boule de neige. Bien, puisque vous parlez des codes, écoutez l'extrait qui suit parce que ça va devenir vraiment, ça va faire partie de la vie et de l'histoire du film, la façon dont on va établir vraiment une codification précise autour du Rocky Horror Picture Show. Brad, let's go back. I'm cold and I'm frightened. Just a moment, Janet. They may have a phone. Il y a une scène de pluie dans le film. Il y a un orage. Là, ben, on peut s'attendre à être mouillé. Il y a des gens qui tirent de l'eau. Ils ont des fusils à eau. Puis ça arrose les gens, tout ça. C'est comme pour faire une espèce de... Je sais pas quoi. Je pourrais dire une espèce de film trois dimensions plus que réel. Comme Frankenfurter s'introduit à quelqu'un, s'introduit à Brad et Janet, et tout d'un coup, dans la salle, on entend crier « Say something French », et Frankenfurter dit « Enchanté ». Et à un moment donné, c'est comme un personnage tourne un globe terrestre, et puis le globe terrestre tourne, et puis quand tu connais le moment précis où le personnage arrête le globe terrestre, toi-même, tu peux aller puis mettre la main sur le globe terrestre, ça donne l'impression que c'est toi qui l'arrêtes. Autre extrait de l'émission Nostalgie du 31 octobre 1992. On entend dans cet extrait-là deux fans du film Rocky Horror Picture Show. On a déjà quelques descriptions de rituels, André Lavoie, des moments précis dans le film où le public réagit de telle façon. Vous l'avez vu, le film? Vous n'êtes pas le plus grand fan. Vous n'avez pas vu le film 100 fois, mais non, vous l'avez vu quelques non, fois. Non, Dieu m'en garde. Ouais. Mais ça ressemble à quoi? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est mon cas. À quoi on assiste? Il y a quelques exemple de rituels dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais il y en a plein d'autres. Mais d'abord, je vous dirais, Jacques, vous ne le savez pas, mais vous êtes un virgin. Alors, tous les gens qui n'ont pas vu le film et qui vont le voir pour la première fois, on les appelle comme ça, on les appelle les virgins. D'accord. Alors, ceux qui arrivent et qui sont pour la plupart assez décontenancés, surtout s'ils n'ont pas été préparés, ils arrivent bien sûr sans journaux, sans imperméable, sans riz, sans entre autres, rouleau de papier de toilette, sans pistolet à eau. Alors, si vous n'arrivez pas avec ça... Vous êtes repéré tout de suite. Oui, tout à fait. Et c'est sûr qu'il y a des groupes, et paraît-il, en tout cas, moi, je n'ai pas vécu ça, mais dans certaines salles, il y a des groupes qui monopolisent une partie de la salle, ce qui fait que si vous avez le malheur de vous asseoir parmi ce noyau-là, on va vous éjecter. Parce que souvent, même dans la salle, ce n'est pas homogène en termes de participation, parce que ce n'est pas tout le monde qui adhère au même code. Ouais. Par exemple, moi, les deux fois, s'il y avait des anglophones et des francophones, et puis ils n'avaient pas exactement tout à fait les mêmes rituels. Mais en général, il y a des choses qui reviennent constamment. Par exemple, Brad, le fiancé de Janet, qui est très, très beige, très conservateur, à chaque fois qu'il parle, souvent, l'audience va dire « hassle ». autre chose aussi, bon, on a parlé du riz au début du film, lorsque qu'il y a mariage, donc les gens tirent du riz. Ça a même déjà arrivé que des gens ont apporté de la farine et comme il y a beaucoup d'eau qui est répandue, souvent, les salles de cinéma, le lendemain, il y a un sérieux nettoyage à faire parce que tout est collé partout. Souvent aussi à New York, le chic, c'était d'apporter l'édition du dimanche du New York Times, qui était à l'époque extrêmement volumineuse et qui servait de parapluie parce qu'au début du film, Janet et Brad, avant d'arriver au château, bon, ils ont une maison et il pleut et Janet a un journal sur la tête. Donc, les gens, lorsque certains prennent leur pistolet à eau, d'autres se couvrent d'un journal. Alors ça, c'est important d'avoir ça aussi. Il y a un moment où, dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Dr. Scott. Et il y a un moment où Brad dit « Great Scott ». Et à ce moment-là, particulièrement au Royaume-Uni, les gens agitent un drapeau de l'Écosse. Alors, c'est comme ça du début à la fin. Et ça fait en sorte que la projection ne peut jamais être ennuyeuse, surtout si on la voit dans différentes villes. Oui, parce que ça se transforme. Chaque représentation est unique. On l'entendait dans un des extraits de l'émission. Tout à fait. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les variantes culturelles. Et ça m'amène à... Parce que vous me parlez du Royaume-Uni, du drapeau écossais. Est-ce que c'est un phénomène mondial, occidental, surtout américano-britannique? Ça a été longtemps un phénomène mondial. C'est-à-dire que même dans des pays comme la France, il y a des salles de cinéma qui ne programmaient que ce film-là. C'est devenu, je vous dirais, davantage un phénomène anglo-saxon. C'est sûr qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, faut quand même préciser que Jim Sharman, le réalisateur, est australien. Donc, c'est beaucoup dans les pays anglo-saxons. Au Canada aussi, le film est encore projeté. C'est sûr qu'il y a eu deux autres phénomènes qui ont fait en sorte que Rocky Horror Picture Show, l'engouement est moins grand. Il y a eu d'abord l'arrivée des magnétoscopes et des cassettes VHS qui ont fait en sorte que, de toute façon, dans toutes les salles de cinéma du monde entier, enfin, surtout dans les pays industrialisés, il y a eu beaucoup de fermetures. Il y a eu des salles, d'ailleurs, qui ont réussi à survivre grâce au Rocky Horror Picture Show. Et c'est sûr aussi que le message de tolérance, d'identité sexuelle un peu floue, multiple, c'est sûr que ça, c'est davantage intégré à la culture populaire, ce qui fait que, pas que le message est moins pertinent, mais sa force est forcément moins grande. Parce que le public dans la salle est déjà un peu plus loin. À l'époque, lorsque le film est sorti en 1975 et les années suivantes, c'était extrêmement audacieux parce que dans la culture populaire, ces questions-là d'identité sexuelle et de ne serait-ce que le travestisme, c'était pas quelque chose qui était vraiment, vraiment, vraiment évident à présenter. Ouais. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait une audace, mais cette audace-là, forcément, avec le temps, s'est effritée. Donc, un âge d'or, quoi, au début des années 80, probablement? Oui, du milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80, mais écoutez, moi, la première fois que j'ai assisté à une projection, c'était au début des années 90, la salle était pleine, l'engouement était là, et puis lorsque j'y suis retourné dans les années 2000, l'impérial était plein. Hello, I'm Dr. Cosme from McKinley. I'd like to tell you about a new film from the gang that gave you the Rocky Horror Show. Shock Treatment. I'm not a locomotive to suit you myself. I've been a cynic for too many years. Playing doctor and nurse, it can be good for your health. synchronous with those gimmicks intangible. But if you open your heart. En 1980, la suite du Rocky Horror Picture Show, un film qui s'appelle Shock Treatment, c'est un extrait de la bande-annonce qu'on vient d'entendre, sort en salle. En principe, les producteurs ont dû se dire, on a là une petite mine d'or entre les mains. Comment c'est reçu? C'est mal reçu et avec raison. Il n'y aura pas un engouement, il n'y aura pas le phénomène, l'identification, la communion entre la salle et l'écran avec ce film-là. C'est un film de compromis, à mon avis. C'est pas exactement une suite du Rocky Horror, dans le sens que ça reprend pas ce que les personnages étaient dans le premier film, puis on les suit dans le second, ce qui était ça au départ, parce qu'il y a eu plusieurs versions du scénario. C'est également une comédie musicale, donc il y a des numéros chantés, avec des chansons encore là assez bonne, assez accrocheuse, sauf que lorsqu'on voit ce film-là, on comprend pourquoi dans les années 80, les comédies musicales ont commencé sérieusement à décliner comme genre. Bon, ça se passe en studio, c'est pas très, très élégant et visuellement attrayant. Ouais. Rocky Horror Picture Show, c'était du rock. Ouais. Là, on est beaucoup dans la musique un petit peu plus plombée par les synthétiseurs. Ouais. Il y a seulement trois acteurs du premier film qui sont de retour dans d'autres rôles, évidemment. Mais tous les autres, dont Tim Curry, qui joue le Dr. Frankenfurter, qui est extraordinaire dans le premier film. C'est lui qui... C'est l'âme du film, littéralement. D'ailleurs, lui va toujours voir ce phénomène-là d'une manière un peu amusée. Il ne sera pas question pour lui de revenir dans ce film-là. Susan Sarandon aurait dit oui pour un retour, mais elle demandait un cachet tellement élevé que la production est incapable de... Ce qui fait en sorte que c'est un film assez étrange, avec quelques belles mélodies, mais... Rendez-vous raté. Un rendez-vous raté. Et c'est pas devenu un phénomène... C'est jamais devenu un phénomène et je pense que c'était trop... c'était prévisible que ça ne le soit pas. Ben revenons au premier, celui qui a été un phénomène. Vous l'avez un peu évoqué, mais aujourd'hui, il reste quoi de ça? Ben, je pense qu'il reste un vent de liberté. Il reste un phénomène unique dans l'histoire du cinéma où les admirateurs de ce film-là ont fait de ce film un succès. Et ce ne sont pas... C'est sûr que les studios ont élaboré quelques stratégies, mais il y a des gens comme Saul Pierrot, qui est un gars qui se destinait à la prêtrise, et lui est un de ceux qui a porté haut et fort le message de tolérance et d'insolence de ce film-là. Et c'est un de ceux qui a codifié, qui a porté pendant des années à bout de bras ce phénomène-là. Et c'est un de ceux à qui on doit, qu'encore aujourd'hui, on parle de ce film-là et qu'un peu partout dans le monde, des gens vont dans des salles, amènent leur sac de riz, amènent leur parapluie, amènent leur pistolet et participent à une fête. Une fête de la liberté sexuelle, une fête de la fantaisie, puis une fête aussi du cinéma, parce qu'il y a plein. On parle d'une foule de films qui ont marqué notre enfance, une foule de films qui ont nourri les programmes doubles des salles de cinéma du monde entier. Et ça, ça reste incomparable. Et c'est pour ça, je crois, que des gens comme moi, encore aujourd'hui, trouvent du plaisir à voir un film aussi bancal que The Rocky Horror Picture Show. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous entendre nous parler de ce film et de ce phénomène. André Lavoie, merci beaucoup. Merci. André Lavoie, habitué de l'émission Critique de cinéma au journal Le Devoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.